Écoute, ils ont joué 57, c'est moins 15. OK. Et le jeune, là, on regarde le jeune aller, là, il a l'air sûr de lui. On le regardait faire des potes hier, là, à un moment donné, il faisait un pot d'une quinzaine de pieds, ramassait le marqueur de son père, puis lui tirait. Tu sais, c'était amusant de voir ça, mais quel potentiel, le jeune Charlie. Est-ce qu'il y a... Je ne sais pas... Est-ce qu'il est encore trop jeune pour dire qu'il peut devenir aussi fort que son père? Bien, c'est sûr qu'il est de bonheur un petit peu, mais on voit être le jeune, il a un beau swing de golf, il a une bonne attitude. C'est certain qu'il va devenir un très bon golfeur. Maintenant, de là à dire que dans 7, 8 ans, 9 ans... Ouais. Est-ce que quoi, il peut arriver plus tôt, c'est quoi? Ben moi, je te dirais là qu'il va d'abord, il faut qu'il joue juvénile, il faut qu'il joue junior. Okay. Puis après ça, ben probablement qu'il va aller au championnat amateur. Okay. Comme Tiger l'a fait son père, là, lorsque son Tiger a gagné le championnat amateur, puis là, il s'est retrouvé chez les pros. Et je pense que Tiger, il avait 20 ou 21 ans. Alors le jeune, ça va être ça, là. Écoute, il y a 12 ans, on va lui donner encore un 6, 7, 8 ans, là. Puis après ça, là, on va pouvoir juger s'il peut monter assez rapidement sur la PGA, mais de la façon dont il se présente et de la façon dont il joue présentement, je pense que c'est un futur très bon joueur de golf. Un futur champion, c'est dur à dire, là, parce que des fois, il y en a qui changent de sport ou qui ralentissent, mais lui, là, je pense qu'il va être bon. Oui, effectivement. Hey, mais pour les commanditaires, c'est incroyable, il est incroyable, hein? T'sais, déjà, là, je me mets dans la peau d'un commanditaire, t'as le fils de Tiger Woods. T'sais, quelque part, c'est sûr que, t'sais, on a vu des grands, là. On a vu Jacques Villeneuve, père, Jacques Villeneuve, fils, on a vu qui, tu peux en nommer plusieurs là, dans le sport. Là. Mais là, t'as le fils de Tiger Woods, qui a été la plus grande vedette de l'histoire de la PGA, si on peut le dire, là, qui a commercialisé le plus. Tu te mets dans la peau d'un commanditaire, c'est incroyable, là. Ben écoute, les commanditaires... D'ailleurs, si Tiger, là, un exemple... D'abord, il a joué en fin de semaine 4 rondes. Ouais. Ben, pas 4 rondes. Ils ont joué 2 rondes officielles, là. Tu sais, la balance, c'était bien plus de la pratique. Ouais. Est-ce que Tiger va revenir en bonne forme pour 2022? Et un exemple, s'inscrire dans un tournoi majeur. Au moment où on se parle, non. Il n'est pas prêt. Parce que là, il a joué en voiturette en fin de semaine, là. Parce qu'il n'aurait pas été capable de jouer à pied, là. C'était trop fatigant pour lui. Il boite. On voit là, qu'il y a de la misère un petit peu encore. Il a besoin d'exercice. Il a besoin de pratique. Maintenant, le moindrement qu'il va s'inscrire à un tournoi, peu importe lequel, là, on ne parlera pas d'un majeur tout de suite, là. Les commanditaires et la télévision, vous pensez qu'ils vont suivre qui? Ils vont suivre Tiger Woods. Ben oui. C'est une fortune pour eux. Imaginons 2 secondes là, qu'ils s'inscrivent pour le premier tournoi majeur qui va être le Masters au mois d'avril. Lui, il est exempté à vie. Il n'a pas besoin de se qualifier. Là. Il peut jouer s'il veut. Ouais. Est-ce que Tiger va être prêt à revenir dans un tournoi comme ça? Ben, c'est difficile de répondre aujourd'hui. À première vue, je dirais non. Mais lui, c'est un phénomène. Alors, est-ce qu'il va être assez en forme ou guéri de ses blessures pour jouer dans quelques tournois? Je pense que oui. Des tournois majeurs, je ne le sais pas, mais peut-être s'inscrire à un tournoi puis se dire, ben, je vais m'essayer. Je ne sais pas, au moins un tournoi qui va avoir lieu au mois de février, comme exemple. Ouais. Alors là, on verra en temps et lieu, mais le gars, il a vraiment surpris puis il frappe encore la balle. Oui. OK. Mais il a tellement été bon, ce gars-là, qu'à un moment donné, même s'il y avait qu'une jambe, je pense qu'il est capable de jouer au golf pareil. Alors, tu vois tout de suite là, que c'est un phénomène. Et en fin de semaine, on a vu que son fils va devenir une vedette un jour. Alors là va dire que les commanditaires et la télévision, là, ils se garochent à la famille Woods. C'est incroyable. J'espère qu'il ne vivra pas le même scénario que... Je sais pas si t'as entendu parler un peu de la jeunesse de Tiger. C'était vraiment, là, son père était... Au moins, il vivra pas ce que le garçon, ce que Tiger a vécu, parce qu'il y a eu des choses qui ont été dites sur la... C'était pas facile, la carrière de Tiger, là. Non, mais écoute, son père était... Ouais, son père était extrêmement exigeant. Earl, qui s'appelait, ouais. Le monsieur Kem. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire que, est-ce que Tiger est aussi sévère envers son fils? Non, peut-être. Non. À certaines occasions, ouais. Je pense que oui, parce qu'un père peut être sévère avec son fils, mais pas de là à l'extrême, là. Ouais. Mais Tiger, lui, il s'était pratiquement le fouette, là, quand il jouait plus jeune, là. Mais évidemment, il était tellement bon, il avait tellement de potentiel que son père en voulait toujours un peu plus. Il a réussi. Évidemment, il y a toutes sortes d'aventures autour de Tiger, là, parce qu'il y a eu des blessures, il y a eu ses problèmes conjugaux, il y a eu toutes sortes de choses. Mais c'est un athlète à travers le monde phénoménal. Alors, éventuellement, est-ce que l'autre, le jeune, le Charlie, va être élevé de la même façon? Probablement pas, on l'espère. Non. Mais s'il devient même la moitié du potentiel de son père, il va être un très bon golfeur. Effectivement. Je vais te souhaiter une belle vacance, Serge, une belle période des fêtes, beaucoup de santé en 2022. Ouais, je viens qu'on sait plus là. Ouais. Fait que, puis on va se reparler de temps en temps pour parler de la PGA. Ah, ça va me faire plaisir, Danny. Passe de belles fêtes. L'important qu'il faut dire aux gens maintenant, c'est la santé. Oui. On passe des moments extrêmement difficiles depuis 2 ans. Ça n'a pas l'air à vouloir ralentir. Et... Ouais. Mais on va essayer de passer à travers tout ça. Puis si on réussit à passer à travers, bon, on va être de plus en plus fort. Tant mieux. Ouais. Serge Cloutier, un gros merci. Notre ami Serge Cloutier.